peignoir blanc, si perfide, habille son amant noir, Aristide, parmi ses prétendants, élira le plus gourmand soir. Pas boire un drink au comptoir du Black Vampire Club. Elle y dévoile ses deux sous chic et pink pour piéger les oubliés du club. Elle avait peaufiné son style, elle abusait de son charme, ses eyes. Elle avait peaufiné son style. Aristide Nutella, je me souviendrai de cette nuit-là. Aristide Nutella. Aristide Nutella, je me souviendrai de cette nuit-là. Aristide Nutella. Aristide, nue sous son peignoir, blanc drap, lucide, son âme de l'espoir, de l'avoir nue, l'avoir nue, mais avant, elle le ligote à l'aide d'un ruban noir. Joute sexuelle pour l'amant ficelé, pour un rituel, elle tuerie sans varier. La plus petite noire de sa belle partition, c'est le